écoute, je vous fais cette salutation depuis la place de la Nation, où vient de se terminer une grande manifestation de solidarité avec le peuple palestinien qui a réuni des dizaines et des dizaines de milliers. Buenas tardes a todos y a todas. Envío este saludo desde la Plaza de la Nación, en donde ha terminado una gran manifestación de solidaridad con el pueblo palestino, en la que participaron decenas de miles de personas. Et en France, c'est un succès particulier, une victoire importante contre le gouvernement qui, depuis le 7 octobre, n'a cessé de réprimer toute forme de solidarité avec le peuple palestinien, qui a interdit les manifestations, qui a interdit les rassemblements, qui a mis en garde à vue des centaines de personnes pour des propos sur les réseaux sociaux, qui poursuit les organisations politiques comme l'UNPA qui l'accuse d'apologie du terrorisme. En Francia es un éxito particular y una victoria importante contra el gobierno que desde el 7 de octubre no ha dejado de reprimir cualquier forma de solidaridad con el pueblo palestino. Ha prohibido las manifestaciones, ha prohibido las reuniones, ha detenido cientos de personas por sus expresiones en las redes sociales. Persigue a las organizaciones políticas como el NPA, al que acusa de apología del terrorismo. Qui traite de manière extrêmement brutale les réfugiés franco-palestiniens qui viennent tout juste d'arriver en France. Et nous, on a même eu quatre camarades qui ont été placés en garde à vue, détenus pendant 24 heures pour avoir collé des affiches qui détenaient les bombes. Trata de manera brutal a los refugiados franco-palestinos que han llegado a Francia. Y cuatro compañeros de nuestra organización fueron detenidos por 24 horas por haber pegado afiches que denunciaban los bombardeos israelíes. Qui dénonçait les bombardements israéliens. Et je voudrais dédier cette salutation, en tout cas vous faire part ici d'un cas extrêmement choquant auquel on a été confronté, qui est celui d'une militante féministe et palestinienne de 72 ans, Mariam Aboudakar, qui était rentrée sur le territoire français tout à fait légalement pour faire des conférences et qui après le 7 octobre a été persécutée par le gouvernement, qui a été assignée à résidence, mise en détention, interpellée, on aurait dit un enlèvement digne des heures les plus sombres et qui a été expulsée hier soir vers le Caire. Ça montre... Queremos también contarles de un caso muy impactante al que nos enfrentamos, que es el de una militante feminista palestina de 72 años, Mariana Aboudakar, que llegó al territorio francés legalmente para dar conferencias y después del 7 de octubre fue perseguida por el gobierno, fue detenida, un hecho digno de los momentos más oscuros. Finalmente fue expulsada ayer. Comment le gouvernement français est terrifié de la perspective que se développe un grand mouvement anticolonial, anti-impérialiste en France, et c'est pour ça qu'il est prêt à écraser toute forme de soutien. Et aujourd'hui, esto muestra cuán aterrorizado está el gobierno francés por la perspectiva que se desarrolle un movimiento anticolonial y antiimperialista en Francia. Y por eso está dispuesto a aplastar toda forma de apoyo. Oui, depuis Paris, on vous envoie une salutation internationaliste et chaleureuse et on réaffirme notre détermination à lutter pour le peuple palestinien et contre la politique impérialiste de l'État français et toute la criminalisation du mouvement social. Hoy desde París les enviamos un caluroso saludo internacionalista y reafirmamos nuestra determinación a luchar por el pueblo palestino y contra la política imperialista del Estado francés y la criminalización de este movimiento.